Silk threads dripping gold on my wrist. On my wrist. Yanni vision, every step's a twist. A twist. Chateau dreams, sipping something crisp. And crisp. Mirror's reflection, my shadow kissed. Gianni Versace, le rêve qu'on porte. Chaque couture, on ouvre des portes. Diamant brille, on coupe les cordes. Le luxe est un feu, jamais il ne tord. Pyramides on my chest, on my chest. Hieroglyph flow, flow. Couture warrior, warrior. Where the shadows glow. Dans la nuit noire, mes rives slow. Chaque pas que je fais, c'est un tableau. Tissu qui danse sous les néons. Or et noir, mon trône est béton. Rythme qui frappe, c'est ma saison. DJ Ludo dans l'air résonne. La rue m'appelle, mais je suis ailleurs. Yanni m'habille, armure de vainqueur. Un labyrinthe de soie et de splendeur. Chaque couture raconte une douleur. Gianni Versace, le rêve.